Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Au nom du personnel du Centre d'universalité et en mon nom, Daniel Bolduc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite une excellente soirée. Négligez pas de demander votre cassette gratuite, la première partie de cette conférence de ce soir, à l'achat du prochain billet de la semaine prochaine, c'est-à-dire la prochaine conférence de la semaine prochaine de Daniel Kemp, qui est « La religion, un frein ou un tremplin ». Ce sujet, je peux vous dire que ça ne manquera pas d'amener les gens à être un peu surpris, peut-être aussi d'éclairer certaines autres personnes ou encore d'étonner de par la façon de percevoir ce phénomène, qui sera sûrement très, très important. À tous les PMC, je rappelle que dimanche, le PMC+, au Mont-Gabriel, il y a encore des possibilités de s'inscrire. Il y a aussi le troisième dimanche, toujours de chaque mois pour les PMC, il y aura la conférence spéciale de Daniel Kemp le 21 décembre. Et pour commencer ce soir, j'introduis un peu en parlant de la conférence de la semaine passée. La semaine passée, on a parlé de l'évolution se moque de l'expérience. Et bon nombre en ont été surpris un peu d'apprendre qu'effectivement, l'expérience n'apporte pas nécessairement l'évolution. Mais ça a été très, très profitable pour ce qu'on en a entendu parler déjà. Ce soir, demain, l'homme sans peur. Je ne sais pas si vous avez peur déjà, mais chose certaine, c'est qu'on va constater encore qu'on a certaines peurs qui nous animent ou que l'on subit et qui nous amènent toute la problématique de vivre tous les jours. Alors, pour vous en parler d'une façon encore beaucoup plus pertinente, Daniel Kemp, on l'accueille. Et j'avais peur que tu sois parti magasiner. Ah ben, je suis allé magasiner une petite fille aujourd'hui. Si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, un bonhomme fatigué, après que... Et puis elle est costaud. Oui, effectivement, à 1,5 livres. C'était fort. 1 livre, bon ben... Mais en pas trop. C'est les vêtements. Avant ou après lavage? Après. C'est 1,5 livre avant, c'est ça. Eh bien, le sujet de ce soir, sans peur, l'homme sans peur, ce sera pour demain, mais je pense qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont déjà un peu sans peur ou même beaucoup sans peur. Bon, il y a une chose évidemment assez intéressante, c'est que l'homme ancien a déjà peur de vivre un temps où il n'aura plus peur. Tu parles de l'Apocalypse? Ou l'avant, non, l'avant plutôt. Il a simplement peur d'envisager la possibilité qu'un jour l'homme n'ait plus peur. Mais c'est une mécanicité normale à l'ignorance de l'homme ancien pour la simple raison que celui-ci est toujours convaincu que la peur est égale et ou synonyme de la prudence. Ou de la vie, sans vivre parce que peur. Alors le fait que l'être humain sans peur, l'homme ancien sans peur, s'illusionne, s'imagine qu'il ne sera plus prudent, parce que s'il n'a pas peur d'essayer la drogue, il va se droguer. S'il n'a pas peur de travailler avec une hache nu-pied, il va travailler avec une hache nu-pied, il risque de s'actionner un pied. S'il n'a pas peur de grimper dans des arbres ou de faire n'importe quel genre de folie, alors évidemment, il s'imagine qu'il va les faire. C'est un fait que si l'homme stupide devient sans peur, il vivra pas longtemps. Maintenant, l'homme sans peur, ce n'est pas l'homme inintelligent, ce n'est pas l'homme stupide, ce n'est pas l'homme ignorant. Celui qui est ignorant ne peut pas comprendre les mécanismes de la peur, donc automatiquement reste assujetti à la mécanicité de la peur, donc il a peur. Et parce qu'il a peur, il devient prudent, pour la simple raison qu'il fuit certaines conditions expérientielles, non pas parce qu'il en voit l'absurdité, mais parce qu'il en a peur. L'enfant de 2 ans ou de 3 ans ne traversera pas la rue s'il a peur de la fessée de ses parents, mais il ne comprendra pas l'intelligence, mais il ne traversera pas. Tandis que si l'enfant a fini par comprendre l'intelligence de faire attention en traversant les rues, il n'aura plus peur.